a connu que la guerre. Tu es une enfant rebelle, réfugiée dans ta citadelle. Et dans tes yeux, il y a du soleil. Et dans tes yeux, il y a du soleil. Du soleil, du soleil, du soleil. Du soleil, du soleil, du soleil. Petite vie aux yeux verts, a connu de l'enfer, entre rêve et tonnerre, plongé dans cet univers. Et dans tes yeux, il y a du soleil. Mais dans tes yeux, il y a du soleil. Du soleil, du soleil, du soleil, du soleil, du soleil. Du soleil.